Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanerrux. Cycle 1, la troisième force. Le fascicule allemand numéro 20, intitulé « Vénus en danger », écrit par Kurt Mahr, paru en 1962, ne fut pas traduit en français. Après son séjour sur Délos, l'Astrée 2 émerge à la limite du système solaire et se dirige vers la Terre. L'équipage apprend alors qu'on est le 24 mai 1980, et qu'ils ont perdu presque 5 ans. En s'approchant de la Terre, plus de 400 vaisseaux sont détectés près de Vénus. L'Astrée 2 modifie son cap pour aller voir. Michael Frett n'a pu empêcher le bloc soviétique d'envoyer des troupes sur Vénus, étant sous le contrôle d'un hypnobloc imposé par Perry Rodden pour éviter toute intervention sur l'évolution politique. Des Russes se sont installés sur Vénus sous les ordres du général Tomizenkov. Ils ouvrent en vain le feu sur l'Astrée 2 à son arrivée. Leur camp est dévasté par le passage du vaisseau. Les hommes fuient dans la jungle. Ils établissent un camp après avoir subi quelques pertes. Mais un ouragan dévaste tout. Tomizenkov s'enfuit, pris de panique. Il est emporté par le vent. Ses hommes le retrouvent, le bras cassé. Le camp est alors attaqué par un reptile volant. L'Astrée 2 repère celui-ci et les hommes entendent bientôt des cris de terreur. Rodden part avec un transporteur et récupère un homme blessé. C'est l'aide de camp de Tomizenkov. Ce dernier a fui seul dans la jungle où il affronte de multiples périls. Il finit par tomber dans un piège. Tomizenkov en sort après avoir affronté une bête en forme de mollusque. Le major Lemonovitch a reçu l'appel de secours de Tomizenkov. Un de ses vaisseaux est attaqué par l'ennemi. Informé que Rodden est parmi les assaillants, il ordonne d'utiliser toute la puissance de feu. Ayant intercepté le message radio, Rodden peut faire évacuer à temps le transporteur où il se trouve. Les hommes de Rodden détruisent tous les vaisseaux russes restants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un dans lequel se sont retranchés les Russes. Les Terriens attaquent le camp. Une bombe force le navire à s'écraser et les hommes de Tomizenkov fuient. Le transporteur qu'utilise le major Conrad Deringhouse est hors d'usage, quelqu'un ayant enlevé le relais à impulsion positronique. Son équipage rejoint le reste des Terriens alors que les Russes s'emparent de l'appareil. En interrogeant les prisonniers, Rodden apprend que Tomizenkov est toujours vivant. Le transporteur récupéré ayant le général à bord s'approche de l'Astrée 2, mais il est en grande partie détruit. Les hommes de Tomizenkov et le général repartent à pied vers leur camp. Rodden les laisse faire, car son plan maintenant est de transformer les Russes en futurs colons. Taku Kakuta est envoyé dans l'ancienne forteresse Arkonide pour en informer le cerveau P. Le fascicule allemand numéro 21, intitulé La guerre atomique n'aura pas lieu, écrit par Kurt Marr, paru en 1962, ne fut pas traduit en français. Une flotte russe part pour Vénus amener les renforts à Tobyshenkov, avec qui le contact a été perdu. Elle croise l'Astrée 2 qui percute une partie de la flotte et détruit 34 navires, dont la nef amirale. Le 12 juin 1980, Moscou prépare une attaque sur les autres puissances. La troisième force intervient pour ramener la paix, plaçant la population de quelques villes sous contrôle hypnotique. Le Conseil suprême décide d'utiliser son arme la plus épouvantable, la bombe à fusion catalytique. Perry Rodden fait une annonce au monde entier et menace Strelnikov, le premier officier du Conseil suprême, de paralyser tous les matériels électriques ou électroniques durant une demi-heure pour démontrer sa puissance. Un pilote de chasse, le capitaine Walensky, est abattu en cherchant à attaquer l'Astrée 2, mais il s'en sort indemne. Le major Conrad Deringhouse quitte l'Astrée 2 pour une mission d'espionnage. L'Astrée 2 atterrit à Galactopolis le 14 juin et Rodden avoue à Michael Frett qu'il lui avait imposé un hypnobloc. Il demande ensuite à ce qu'une réunion des grandes puissances ait lieu au plus vite. Conrad Deringhouse atterrit, invisible, près de Karaganda, et entend parler d'un pilote abattu, considéré comme un fou ou un traître. Un hélicoptère vient emmener Walensky, et Deringhouse, toujours invisible, peut s'introduire à bord. À Akmolinsk, Walensky est pris en charge par un dénommé Loeb, qui l'emmène à Kosgorodok. Loeb finit par révéler qu'il est Conrad Deringhouse. Ensemble, ils se rendent à la mine de Bajmak, où est exploité l'uranium le plus riche de la Terre, et sont confrontés aux policiers. À Moscou, le général Tsirov est informé par Strelnikov que l'homme recherché se trouve à Bajmak. Dès qu'il a raccroché, Deringhouse et Walensky apparaissent. Deringhouse part au bâtiment central du téléphone, tenter de localiser Strelnikov. Tsirov fait exploser une bombe qui tue Walensky. Quand Deringhouse revient, il trouve la rue pleine de policiers. Tsirov va voir Strelnikov, qui a compris que la présence de Deringhouse à Bajmak était uniquement faite pour détourner l'attention. En prenant des policiers sous influence hypnotique grâce à son radiant psy, Deringhouse parvient à quitter la rue et se rend dans l'appartement de Strelnikov. Celui-ci est absent, mais le jeune homme tombe sur un vieillard, Nikolai. Il l'amène dans une usine publique où Nikolai se révèle être Strelnikov en personne. Le 19 juin 1980, le tribunal mondial siège à Moscou. Tous les membres du Conseil suprême, dont Strelnikov, sont arrêtés. 200 missiles lancés par une base russe sur la Lune sont interceptés. Le 19 juin devient un jour férié pour la troisième force. Le fascicule allemand numéro 22, intitulé « La fuite de Tora », écrit par Clark Dalton, paru en 1962, ne fut pas traduit en français. Le 19 juin 1981, Tora s'empare d'un destroyer à Galactopolis pour se rendre sur Vénus afin d'utiliser l'hyper-émetteur de la forteresse. Elle est accompagnée par le robot R-17. Quand elle s'approche, la forteresse ouvre le feu sans sommation et le destroyer Détroit s'écrase. Perry Rodden part à la poursuite de Tora à bord d'un autre destroyer avec les mutants Son Okura et John Marshall. Le système d'identification des destroyers n'ayant pas été réglé, le cerveau P de Vénus ne le reconnaît pas non plus et leur vaisseau est aussi abattu. Ils s'éjectent à temps. Rodden est légèrement blessé. Ils partent à pied pour la base. Le groupe de Tommy Zenkov est toujours décidé à rentrer sur Terre, mais un groupe de rebelles a fait scission et a décidé de rester sur Vénus. Ils repèrent le vaisseau de Tora et la capturent ainsi que son robot. Un troisième groupe s'est formé chez les Russes, les pacifistes totalitaires, dirigé par le lieutenant Walerinsky. Ils attaquent le camp des rebelles et les rallient à leur cause. Le sergent Rabov, un homme de Tommy Zenkov, part en expédition avec 20 hommes. Il tombe sur Rodden et ses compagnons qu'il capture, mais Okura parvient à s'échapper. Lors d'un affrontement avec les pacifistes, Marshall s'échappe aussi et rejoint Okura. Rodden, Rabov et ses hommes sont capturés. Walerinsky, comptant attaquer le général Tobyshenkov, Rabov part avec Rodden pour le prévenir. Ils sont rejoints par Okura et Marshall. La Bonne Espérance 5, avec laquelle Reginald Bull est parti chercher Rodden, n'obtient pas la permission d'atterrir. Le cerveau P annonce que le relais secret X a été activé. C'est un système de protection programmé par Rodden qui a été activé par l'approche des destroyers. Un contre-champ de force hypergravitationnelle protège maintenant la base et ne peut être désactivé que de l'intérieur. Rodden, Marshall, Okura et Rabov atteignent le plateau où se trouve le camp de Tommy Zenkov, mais ils se font tirer dessus. Rodden est légèrement blessé. Il envoie John Marshall seul dans la jungle établir le contact avec les créatures intelligentes ressemblant à des phoques. Reginald Bull établit brièvement le contact avec Rodden. Le fascicule allemand numéro 23, intitulé « Relais secret X », écrit par W.W. Scholz, paru en 1962, ne fut pas traduit en français. La Bonne Espérance 5 est toujours en orbite autour de Vénus. Tako Kakuta tente de se téléporter, mais il est rejeté violemment par la barrière érigée par la forteresse vénusienne. John Marshall atteint enfin la rive de l'océan et il essaie de communiquer par télépathie avec les phoques. Il doit se battre contre un Russe qu'il finit par tuer. Sur le plateau où se situe le quartier général de Tommy Zenkov, le général est informé de la mort de l'un de ses hommes. Le lieutenant Tanjev part avec 25 hommes en éclairage. Tommy Zenkov se débarrasse du robot R-17 en trompant Tora, l'invitant à sortir seul avec lui. La petite armée part en direction de la forteresse. Perry Rodden et Son Okura entendent des coups de feu dus à l'attentat contre R-17. Ils tombent ensuite sur 5 hommes de Walerinsky venus poser un piège pour Tommy Zenkov. Rodden se fait passer pour un commissaire du bloc soviétique. Deux partent prévenir Walerinsky, qui se fait maintenant appeler président, et les trois autres sont ligotés. Le groupe de Tomisenkov, dont plusieurs hommes ont rallié le camp adverse, est prévenu d'un piège par une note manuscrite. John Marshall va dans l'eau pour établir le contact avec les phoques. Il doit à nouveau affronter les Russes. Il informe Rodden avant de poursuivre le combat. Okura et Rodden se hâtent pour lui venir en aide. Ils entendent alors des explosions. Tomisenkov est attaqué par quatre hélicoptères qui lâchent des bombes. Ils appartiennent au colonel Raskujan. Il faisait partie de la flotte de ravitaillement arrivée un an plus tôt, mais a décidé de jouer cavalier seul. Il converse avec Tomisenkov par radio. Rodden et ses compagnons entendent la communication et localisent le QG de Raskujan. Ils sont attaqués par un lézard et la blessure de Rodden se rouvre. Les hommes de Tomisenkov retrouvent la patrouille du lieutenant Tantjev. Ils se heurtent à un vampire Karat. Les victimes de l'animal sont tuées quand la bête est détruite. Rodden et ses compagnons s'emparent d'un cyclone, un hélicoptère russe. En vol, ils affrontent un autre appareil qu'ils abattent avant de se cracher dans l'eau. Ils regagnent la rive. Le groupe de Tomisenkov est confronté à 6 hélicoptères. Ils en détruisent 4 avant d'être capturés. Rodden, Marshall et Okura s'emparent d'autres appareils et partent sur l'océan avec un canot de sauvetage récupéré. Le fascicule allemand numéro 24, intitulé « Dans la jungle du monde primitif », écrit par Kautmar, paru en 1962, ne fut pas traduit en français. Le bateau emportant Perry Rodden, Son Akura et John Marshall cherche à rejoindre la côte. Ils veulent atteindre les montagnes où se trouve le cerveau positronique. En route, ils sont attaqués par un reptile volant de 30 mètres d'envergure et contraints d'utiliser leurs armes radiantes. Dans le camp du colonel Raskujan, le général Tomisenkov est interrogé à plusieurs reprises, mais Raskujan n'arrive rien à en tirer. Des éclairs lumineux sont repérés au large et 2 hélicoptères sont envoyés. Ils attaquent le canot où se trouvent Rodden et ses compagnons, mais ceux-ci parviennent à les détruire. Ils ne peuvent toutefois pas empêcher le moteur de leur embarcation d'être mis hors service. John Marshall utilise ses facultés télépathiques pour appeler les phoques à l'aide, des créatures intelligentes qu'ils ont déjà rencontrées. Ils finissent par arriver et tractent le bateau jusqu'à la côte. D'autres hélicoptères arrivent à nouveau. Rodden, Okura et Marshall sont contraints de regagner la rive à la nage. Ils trouvent refuge dans une grotte habitée par les phoques, mais ils doivent la quitter par précaution. Ils font bien car les Russes larguent une bombe atomique dessus. Le général Tomisenkov s'évade du camp accompagné de quelques hommes et Tora. Ils sont toutefois repris, leur présence ayant été trahie par l'attaque d'un T-Rex. Un seul d'eux, Ali Karin, réussit à rester libre. Il désire rejoindre les montagnes où il espère retrouver Rodden. Il finit effectivement par tomber sur lui. Ils atteignent le dôme radiant, protégeant le cerveau positronique. Un hélicoptère, envoyé par Tomisenkov, s'écrase contre. Dès que Rodden a atteint la forteresse, la situation change radicalement. La barrière empêchant la chaloupe de Reginald Bull demeurée en orbite de passer disparaît et ce dernier s'occupe sur le champ des Russes. Raskujan tente de s'enfuir en emportant Tomisenkov et Tora, mais les deux Russes s'affrontent et Raskujan trouve la mort. Tomisenkov décide de rester sur Vénus pour former une colonie avec ses hommes. La chaloupe repart pour la Terre avec Perry Rodden et Tora. Les fascicules allemands numéro 25 et 26, écrits par Cotemar et Clark Dalton, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 10, Le Maître des Mutants, paru chez Fleuve Noir en 1968. Première partie, Sa Majesté le Surmutant. Plusieurs attentats sont commis à Galactopolis et trois contre-torpilleurs sont volés. D'après les cerveaux P, ce ne peut être que l'œuvre de mutants. En 1976, le mutant Stafford Monterny, doté de grandes facultés d'hypnose, a recruté le téléporteur Fred McMurray. Il veut construire sa propre milice des mutants, mais en obligeant les mutants à lui obéir par emprise mentale. Une équipe de savants a disparu de l'Académie spatiale de Galactopolis et des micro-réacteurs ont été volés. Le seul indice est un type ultra-moderne de machines agricoles mises en vente en Californie. Perry Rodden va voir sur place, assisté d'agents d'Alan DeMerkent. Il rencontre le directeur de la société, mais il n'arrive à obtenir aucune information. Des hommes de main interviennent. Tout comme le directeur, ils sont arrêtés et emmenés à Galactopolis pour interrogatoire. On apprend seulement que le directeur est sous influence hypnotique. Un jeune homme, Elmer Bradley, aborde Homer G. Adams et lui fait perdre des millions de dollars en investissant dans une affaire bidon. Rodden comprend que Bradley était un télépathe puissant, pouvant imposer sa volonté par hypnose. Les mutants de Rodden finissent par détecter des ondes de suggestion. Un des mutants ennemis a pour mission d'enlever Crest. Taku Kakuta part à sa rencontre, puis il doit s'enfuir, une terrible puissance déferlant sur son cerveau. Face à face avec Rodden, Kakuta tente soudain de le tuer, mais la tentative échoue. Rodden comprend que ce n'était qu'un piège pour tenter de l'assassiner. Le 2 août 1981, Fred McMurray parvient à enlever Crest. Il est emmené dans une base située au Japon. On tente en vain de l'hypnotiser, mais la volonté de l'Arconide est plus forte. Les hommes de Rodden attaquent la villa en force et font sauter une bombe. Monterny, baptisé le Surmutant, parvient toutefois à s'échapper. Deuxième partie, le duel des mutants. Les hommes d'un poste frontière de la troisième force sont pris sous le contrôle mental de Stafford Monterny et attaquent les arsenaux de Galactopolis avec leurs chars. Ils ne reprennent leurs esprits qu'après avoir été vaincus grâce à un neutralisateur G. Felmer Lloyd est à Moscou où il enquête sur des sabotages. Il repère une jeune femme, Tatiana Mikhailovna, d'où émanent des ondes de haine. Il intercepte une bombe qu'elle avait posée et l'emmène à Galactopolis. C'est une télépathe au service du surmutant persuadée que Rodin est un traître à la Terre. Elle est finalement ramenée à la raison. Monterney se cache dans une forteresse dans l'Utah. Entouré d'écrans de toutes sortes, il dirige ses hommes à distance. Il a au total 13 mutants sous son contrôle. Tanaka Seiko a intercepté un de ses messages, ce qui a permis de localiser la forteresse. Une chaloupe passe à l'attaque. Des robots et des soldats sont envoyés. Les mutants de Monterney interviennent. Mais grâce à Tatiana, équipée de radiants psy, ils sont mis en déroute. La milice des mutants fouille la forteresse et trouve 11 mutants. Monterney s'enfuit à bord d'un contre-torpilleur. Le contre-torpilleur Z-82, à bord duquel se trouve le jeune Julian Tiffler, prend le surmutant en chasse. L'équipage est pris sous le contrôle de Monterney et attaque l'Astrée 2. L'émir met des blocs de propulsion du navire hors d'usage et l'équipage retrouve son libre arbitre. L'Astrée 2 reprend la poursuite du contre-torpilleur de Monterney et finit par l'abattre. Le fascicule allemand numéro 27, intitulé « Sous l'emprise du fascinateur », écrit par Clark Dalton, paru en 1962, ne fut pas traduit en français. La Bonne Espérance 7, commandée par le major Conrad Deringhaus, est à la recherche du surmutant dans les environs de Mars. Plusieurs intercepteurs sillonnent les parages. Le Z-7-3 est pris sous le contrôle mental de Monterney et s'écrase à la surface de la planète rouge. Depuis sa base, Stafford Monterney prend aussi Conrad Deringhaus sous son contrôle et l'amène à se poser avec la chaloupe. Il s'apprête à utiliser son arme la plus efficace. À Galactopolis ont lieu des conférences pour la mise en place d'un gouvernement mondial. John Marshall informe Perry Rodin que les 11 mutants qu'utilisait Monterney sont maintenant formés par la milice des mutants. La Bonne Espérance 7 est soudain annoncée et survole la troisième force. Des explosions atomiques se produisent partout, bien qu'aucune bombe ne soit lancée. L'atout de Monterney est le mutant Ivan Ivanovitch Gorachin. Muni de deux têtes, il est capable de provoquer l'explosion des atomes de carbone et de calcium par la seule pensée. Il a été pris à bord de la Bonne Espérance 7 sur Mars et c'est lui qui est la cause des explosions à Galactopolis. Sous l'influence des mutants de Rodin, Gorachin retrouve son libre arbitre et force Deringhaus à rejoindre la Lune avec la chaloupe, bien que Monterney lui ordonne de revenir sur Mars. La Bonne Espérance 7 est prise à bord de l'Astrée 2 et Gorachin devient un allié de Rodin. L'intercepteur Z-45, en orbite martienne, repère l'arrivée de l'intercepteur Z-13 avec Reginald Bull à bord et l'Astrée 2. Tatiana Mikhailovna est aussi à bord du Z-13 et traque le surmutant. Monterney quitte Mars à bord d'un intercepteur Z-35, suivi du Z-13 et du Z-45. La milice des mutants investit la base de Monterney et libère ses victimes. Monterney se pose sur un astéroïde sans nom. L'émir met hors service les réacteurs et le mécanisme de commande de l'intercepteur de Monterney qui s'écrase contre un astéroïde. Les fascicules allemands numéro 28 et 29, écrits par K. Scheer et Kurt Mahr, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 11, Le piège à pirates, paru chez Fleuve Noir en 1968. Première partie, l'appât Julian Tiffler. Le 28 juin 1982, Julian Tiffler est convoqué à Galactopolis par Perry Rhodan en personne. Celui-ci s'inquiète de la disparition de 3 unités dans l'espace et de l'interception de mystérieux hypermessages indéchiffrables. Tiffler doit servir d'appât pour un piège conçu par Rhodan, mais il ne le sait pas. Tiffler se rend au mariage de sa sœur et y reçoit télépathiquement des consignes de John Marshall. Attaqué par des inconnus, il est sauvé par Marshall, qui le remet au professeur Carner. Celui-ci implante dans le dos de Tiffler un émetteur télépathique d'une portée de 2 années-lumière, fourni par l'immortel à la demande de Perry Rhodan. Homer J. Adams remet à Tiffler un rouleau de métal censé contenir les plans économiques à longue échéance de la Troisième Force et lui donne pour mission de le remettre au gouverneur de Ferrol dans le système de Vega. Tiffler embarque dans la C-9, commandée par Conrad Deringhouse. Rhodan suit en secret avec l'Astrée 2, l'Ectat et l'Hélios. À hauteur de l'orbite de Pluton, la C-9 détecte un ovni avant de plonger dans l'hyperespace. Ce vaisseau étranger déclenche un maelstrom énergétique qui malmène le petit vaisseau. Ayant pris la chaloupe dans un rayon tracteur, le navire cylindrique de 300 mètres de long commence à s'enfuir dans l'hyperespace juste au moment où l'Astrée 2 émerge à proximité. Les hommes du capitaine Earl Gallant donnent l'assaut à l'équipage de la C-9. Tiffler réussit à détruire le rouleau. Le capitaine de la Orla 11 a été informé de toute l'affaire par un traître terrien dénommé Léo Musselli. Earl Gallant appartient au peuple des francs-passeurs issus des Arcanides qui possèdent le monopole du commerce dans la Voie lactée. Musselli tente, sans réussir, de faire parler Tiffler et lui révèle que les unités disparues ont été capturées par Earl Gallant. Lors d'un simulacre de bagarre dans la C-9, Tiffler récupère une microbombe. Interrogé dans la nef de Earl Gallant, celui-ci menace de le passer au psychodélieur. Tiffler amorce alors l'engin et revient dans la chaloupe. Mais une heure plus tard, la tentative échoue à la suite de malencontreux hasards. Deuxième partie, la flotte des francs-passeurs. Tiffler et les hommes de la C-9 échafaudent un nouveau plan pour s'enfuir. Rhodan, avec l'Astrée 2, l'Hélios et les 4, tente un saut de près de 350 années-lumière dans la direction approximative calculée par la positronique. Les vaisseaux terriens se rapprochent de l'étoile Beta Albireo. Les francs-passeurs détectent ces transitions et, inquiets, alertent leur flotte. Le 28 juillet 1982, Marshall détecte de nouveau Tiffler. L'Hélios émerge à proximité de la Orla 11. Sur la C-9, Tiffler et les aspirants maîtrisent les francs-passeurs et parviennent à libérer la chaloupe tandis que l'Hélios s'occupe de la Orla 11. 30 nefs cylindriques surgissent alors et l'une d'elles endommage gravement la C-9. L'Hélios est contrainte d'attaquer le groupe et détruit 2 vaisseaux ennemis. Rhodan pénètre avec Crest dans un des 2 dérivants dans l'espace et découvre un cadavre de francs-passeurs, mais également une bombe gravitique qui piège le commando de reconnaissance. À l'aide de la deuxième bombe gravitique qu'il utilise pour contrebalancer le champ produit par la première, Rod Nissen parvient à libérer le commando de Rhodan. Avec 4 camarades, Klaus Ebenhard, Humphrey Hefeld, Mildred Hawsons et Felicie Kerganen, Tiffler quitte la chaloupe à bord d'un contre-torpilleur et se pose en catastrophe sur une planète glacée. Earl Gallant envoie des commandos à sa recherche. Les terriens arrivent, par une astuce, à attirer dans un piège l'équipage de la chaloupe de recherche et s'emparent de l'engin. Ils trouvent ensuite une grotte propice à un long séjour. Ils captent alors un message réconfortant de Rhodan. De son côté, la mort dans l'âme,